and now I do. Tu vas suivre dernier un peu froid. Tu vas suivre de tout devine. L'autre bout de la chambre, elle pleure. Moi, je ne peux pas. L'autre bout de la chambre, elle pleure. Moi, je ne sais pas. Oh, quel étrange besoin. Besoin d'être malheureux. Je n'ose pas imaginer quelle est sa peine. Plus rien n'a de sens. Elle n'a